Tony est entré dans le snack bar. Il devait être au moins minuit moins le quart. Lily, la serveuse, semble être nerveuse. Un dernier client sucrait son café. À la télé, il y avait un match de boxe. Pendant qu'on entendait dans le jukebox, ronder le piano de Fat Domino. De quoi vous mettre des fourmis dans les pieds. Comme tous les soirs. D'ailleurs, on peut...